je la ferai mienne. Donne-moi une passion, un but qui me tienne. Donne-moi une vision, un nouvel horizon, que la joie vienne. Ma peau contre la tienne. Donne-moi la présence, donne-moi la chance. La vie est la tienne. Donne-moi un sens, donne-moi l'essence. Alors je partirai, je construirai des ponts, des routes pour que l'on se rejoigne. J'enlèverai une raison.